Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, voilà. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. De choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà, voilà, juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Mise à nu, c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur.